بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le dimanche 21 Dhul Qa'da de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 12 juillet 2020. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce dernier cours, bi'idhnillahi ta'ala, de ce livre de l'imam Ibn Kathir qui s'intitule « Al-Fusul fi Sirati Rasul ». Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne fin et de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons appris à travers ce livre précieux. Aujourd'hui, nous commençons par, toujours dans le domaine des spécificités de notre prophète alayhi salatu wassalam et de ses particularités par rapport aux membres de sa communauté, on s'est rendu au domaine de l'jihad, le combat dans le sentier d'Allah. Parmi les particularités de notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quand il portait ses vêtements de la guerre, quand il porte ses habits de la guerre, il n'était plus autorisé pour lui de les retirer jusqu'à combattre et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il décrétera, le combat contre l'ennemi ou sa soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'a vu dans la bataille de Uhud. Quand les compagnons lui ont dit, au début, quand il les a consultés, il a demandé leur avis, il voulait sortir pour combattre et rencontrer Kuffar Quraysh à l'extérieur de l'Médina. Et Nabi Issa salam préférait pour eux de rester à l'intérieur de l'Médina et d'être protégés que d'affronter l'ennemi, surtout que c'était dans le début de l'islam. Et leur nombre, ils étaient beaucoup moins nombreux que leurs ennemis. C'est pour ça que Nabi Issa salam, il a préféré pour eux de rester dans le Médina. C'est plus sûr et ils sont exposés à moins de dangers. Mais ils ont voulu, car beaucoup de compagnons, parmi ceux qui voulaient sortir, n'avaient pas pu participer dans la bataille de Badr. Et donc, ils voulaient avoir ce mérite et sortir à la rencontre de l'ennemi et ne pas l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive autour de l'Médina. Et quand Nabi Issa salam a porté ses vêtements de la guerre, sa tenue de la guerre, ils lui ont dit au messager d'Allah, si tu préfères rester, on reste. Et c'est là où il leur a dit que le prophète, quand il porte sa tenue de guerre, il n'était plus possible pour lui de faire marche arrière, de ne plus continuer. La plupart des savants de Shafi'iyya on dit que ceci était une obligation pour le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il était interdit pour lui de retirer la tenue de la guerre une fois qu'il l'a portée jusqu'à combattre l'ennemi. Une autre mas'ala, toujours dans ce même domaine de l'jihad fi sabilillah, ils ont dit que c'était une obligation pour lui de consulter ses compagnons. c'est-à-dire de les consulter dans les affaires de la guerre et de prendre leur avis. Ils ont dit que c'était une obligation pour lui. Et ils ont basé ce point sur la parole d'Allah Azzawajal, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Consultez-les en cas de décision, c'est-à-dire une décision ayant un rapport avec les affaires importantes. Là, c'est un ordre, effectivement. C'est pour ça, ils ont dit que c'était une obligation pour le prophète Aïssa-Salam de consulter ses compagnons dans les affaires importantes et de prendre leur avis. Il a été rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu. Il a dit lui-même, Abu Huraira radiallahu anhu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui consulte ses compagnons autant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Ce hadith est faible. Mais sinon, le sens est vrai. Le Nabi alayhi salatu wassalam qui reçoit la révélation et à qui Allah a donné toutes ses facultés et cette intelligence et cet excellent raisonnement et cette perspicacité dans la vue des choses et l'excellence dans les opinions avec tous ces éléments, le Nabi Isa Salam était celui qui consultait le plus ses compagnons radiallahu anhum. Et comme a dit l'imam Shafi'i, selon Hassan al-Basri, il a dit que le messager d'Allah pouvait se passer de la consultation. S'il y a quelqu'un qui peut se passer de la consultation, c'est bien lui. Car en plus de toutes les qualités humaines dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté, il recevait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a quelqu'un qui peut se passer de la consultation, c'est bien lui. Mais malgré ça, il le faisait beaucoup. Et la suite de cette parole de Hassan al-Basri, il a dit: il voulait que les gouverneurs, après lui, le prennent comme exemple. Et l'imam Ibn Kathir a commenté que si on dit qu'il faisait ça uniquement pour qu'il soit pris comme exemple, alors que lui, en réalité, il pouvait se passer de la consultation. Donc si on dit selon cet avis, ça ne sera plus une particularité de Nabi Isa al-Salam. Allah Azza wa Jal lui ordonnait de consulter pour plusieurs sagesses que les savants ont citées. Faire participer ses compagnons dans les décisions importantes pour qu'ils se sentent concernés et qu'ils remplissent également leurs devoirs dans ses responsabilités. Et c'est dans leurs affaires à eux également. Et ça permet de gagner les cœurs. Et consulter, bien évidemment, ceux qu'on doit consulter. Consulter, il ne s'agit pas de consulter tout le monde comme font le kuffar. Ils consultent l'alcoolique, le drogué, le fou, tout le monde a sa voix et son opinion a le même poids. Ça, c'est le principe des élections. Et ça n'existe pas dans l'islam. Dans l'islam, on consulte dans chaque domaine ses spécialistes. Si tu veux ouvrir un hôpital, par exemple, tu vas consulter les gens qui sont en lien avec ce métier, les médecins et ainsi de suite. Donc dans chaque domaine, on va consulter les gens compétents qui peuvent apporter. Et ça, c'est l'islam. C'est pas consulter tout le monde et tout le monde a sa voix et son opinion a le même poids. Comme j'ai dit, ça c'est le principe des élections chez les kuffars Et malheureusement, ça a été yani, propagé dans pas mal de pays de l'islam. C'est pour ça, si vous regardez dans les premières générations de cette communauté, il n'y a pas eu de consultation de cette manière. Omar radiallahu anhu, quand il a désigné les hommes qui allaient être consultés pour le choix du gouverneur après lui, il n'a pas désigné toute la Ummah. Il a désigné 6 parmi les 10 annoncés au paradis, qui étaient encore vivants. Et ça, c'est l'islam. Il a désigné les 6 meilleurs de la Ummah après les 4 califes bien guidés. C'est le reste des 10 annoncés au paradis. Radiallahu anhum. Donc, Nabi Issa Salam, il consultait ses compagnons, déjà afin qu'ils soient pris comme exemple, et aussi, pour, en plus des sagesses que j'ai citées, aussi parce que de rajouter la réflexion et le raisonnement d'une autre personne est meilleur qu'un seul raisonnement. Quand tu réfléchis sur une chose et tu sors avec un jugement, prendre et rajouter une autre raison, c'est comme si tu rajoutes une autre raison à la tienne. Ça, bien évidemment, c'est meilleur de toute façon. Sauf si tu consultes quelqu'un qui ne doit pas être consulté. Là, na'am, ça peut être même pire que de ne consulter personne. Mais quand les savants ils parlent de consulter, bien évidemment, les gens qui sont habilités à être consultés et qui ont les compétences nécessaires. Si tu consultes un ignorant dans une affaire religieuse, peut-être qu'il va t'indiquer autre que la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça ne doit pas être pris en compte. Et on ne doit pas consulter tout le monde. On doit consulter les gens qui ont les compétences requises dans ce domaine-là, dont il est sujet de consultation. Une autre mas'ala que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a cité, c'est que le Nabi alayhi salam, il devait, d'une manière obligatoire, il devait faire face à l'ennemi et de lutter avec endurance, même si leur nombre est supérieur au double du nombre de l'armée du prophète alayhi salam. Comme s'ils ont pris ça du pacte de l'Hudaybiya, car le nombre des compagnons yani, était inférieur au nombre de leurs ennemis, et malgré ça, Nabi alayhi salam a dit ici, yani, quand il a parlé à Urwa al-Thaqafi, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, il a dit que si Kuffar Quraysh refuse, s'il refuse de le laisser propager cette religion, qu'il allait les combattre, قال حتى تنفرد سالفتي, jusqu'à ce que mon cou soit coupé. Yani jusqu'à être tué. Et ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. C'est comme s'ils ont pris ça, cette mas'ala, c'est comme s'ils l'ont pris de cette histoire, yani suite à l'Hudaybiyah. Et une autre mas'ala, et celle-là, ça a précédé dans ce que l'imam Ibn Kathir a cité précédemment, que le Nabi Issa salam n'avait pas le droit d'avoir une traîtrise des yeux. ils n'avaient pas le droit d'avoir une traîtrise des yeux. Et on avait vu la signification de kha'inat al-a'yun, c'est qu'ils ne pouvaient pas parler d'une chose et indiquer une chose, une autre chose avec ses yeux, avec son regard. Et si vous vous rappelez, ça c'était quand Nabi Isa salam avait voulu que quelqu'un parmi ses compagnons tue Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Quand Uthman radiallahu anhu l'a ramené, il lui a dit, fais-lui le pacte d'allégeance. Alors que Nabi Isa salam avait rendu son sang licite auparavant. Parce que c'est quelqu'un qui est entré dans l'islam et après il a apostasié, il faisait beaucoup de mal au prophète Isa salam. Il faisait partie des six que Nabi Isa salam a rendu leur sang licite suite à la conquête de Mecca. Et Uthman radiallahu anhu, qui était son frère d'allaitement, l'a caché chez lui jusqu'à ce que Nabi Isa salam a commencé à faire le pacte d'allégeance aux Mekkois qui ont commencé à entrer dans l'islam. Il a fait nasiha à Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radiallahu anhu. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, c'était quelqu'un qui écrivait la révélation pour Nabi Isa salam avant d'apostasier. C'est pour ça que son affaire était dangereuse. Et les gens comme ça, ils peuvent être une cause de tentation et de doute chez les croyants qui sont faibles, bien évidemment. Quelqu'un qui connaît sa religion avec certitude, l'apostasie d'une personne ne va pas le changer dans ses convictions, bien évidemment. Celui qui apostasie ne fait du mal qu'à lui-même. Mais malgré ça, ça reste une fitna pour les faibles d'esprit, pour les ignorants qui connaissent pas l'islam comme il se doit. Et c'est pour ça, vous voyez que le kuffar, quand il tombe sur quelqu'un comme ça, qui apostasie de l'islam, il l'élève, il lui donne dunya, il lui ouvre les portes de leur télé, de leur plateau, il le ramène partout. Parce qu'ils savent que ça peut être une cause de doute chez les faibles d'esprit, bien évidemment. Donc, il a ramené Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Nabi Isa salam n'a pas voulu faire le pacte à Abdullah ibn Sa'd pendant à trois reprises. Et après, il l'a fait. Quand il a vu que personne n'a compris ce qu'il voulait. Et les sahaba lui ont dit, au messager d'Allah, on ne pouvait pas agir de nous-mêmes alors que tu es présent. Si seulement tu nous avais fait un clin d'œil. Et c'est ça que Nabi Isa salam a appelé une traîtrise des yeux. Ça veut dire, lui, il parle d'une manière, il fait un signe différent à ce qu'il dit. Et ça, ça ne se doit pas pour un prophète. Et même ça, c'est un manquement dans le rang des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et ça, ils ont cité ça dans les particularités du prophète, alayhimus salam. Parce que nous, c'est autorisé pour nous de faire ça. Mais malgré que ceci était interdit pour lui, alayhi salatu wassalam, il avait le droit d'utiliser la ruse dans les guerres. Comme il a dit dans un hadith authentique, il a dit « Al-harbu khud'a » rapporté dans l'authentique. Des fois, il ne disait pas sa destination. Il sort pour attaquer des gens, mais il ne le dit pas. Car la guerre est une ruse et le mensonge n'est autorisé que dans trois situations. Parmi ces situations, la guerre. La deuxième, la réconciliation entre deux croyants. Deux croyants qui se sont disputés, qui, ils ont eu des problèmes entre eux. Tu vas voir le premier, tu lui dis, tu sais que l'autre, il m'a dit, il a regretté ce qu'il t'a dit, il le pensait pas, et tu dis des choses, et pour réconcilier, même si c'est pas vrai. Il a rien dit. C'est autorisé, même c'est une des meilleures œuvres dans l'islam. Et tu vas voir le deuxième, et tu lui dis de même. Il a regretté, il a ça, il a ça. Malheureusement, nous, on fait l'inverse aujourd'hui. Et on peut le faire avec le mensonge en plus. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Donc, la réconciliation est entre l'homme et son épouse. et l'épouse et son mari également. Entre les deux, le mensonge est autorisé, mais pour l'intérêt de l'autre, mais pas pour son propre intérêt. Pour l'intérêt de l'autre. Par exemple, ta femme, elle s'est fatiguée à préparer un repas, mais il est immangeable. Ce qu'il a, c'est ce qu'elle sait faire. Elle a fait son maximum, mais voilà, c'est sorti comme ça. Donc, si tu lui dis que c'est immangeable, que, allez, tu vas lui briser le cœur. Ici, le mensonge est autorisé, et tu lui dis, c'est excellent. C'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé dans ma vie. Et Annie, tu lui as menti pour son intérêt à elle, pas pour ton intérêt à toi. Tu lui voles son argent et tu lui dis j'ai pas volé. Le mensonge est autorisé dans le couple. Non, chacun y ment pour l'intérêt de l'autre. Et à part ces trois situations, le mensonge fait partie des plus graves péchés dans l'islam. Au point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de plusieurs grands péchés. Est-ce que le croyant, il peut faire ça? Et à chaque fois, il disait oui. Et quand ils lui ont dit, est-ce que le croyant, il ment? Il a dit non. Il a dit non. Car le mensonge, c'est l'origine de tout mal et de tout mauvais comportement. Et il mène vers la perversité et la déviance qui mène à son tour vers l'enfer, wal'iyadhu billah, jusqu'à ce que l'homme soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur, comme un grand menteur, wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'il faut qu'on éduque nos enfants sur sidq, dire la vérité, et les encourager et les aider à dire la vérité. L'enfant est dans un combat. Dans son jeune âge, il est dans un combat avec sa personne, avec l'entourage, avec sa famille, shaitan. Tous, ils le poussent à mentir. Alors nous, on doit l'aider à dire la vérité. Quitte à lui pardonner en permanence, à chaque fois il fait une bêtise, du moment qu'il dit la vérité. Afin qu'il réalise la valeur du mensonge. Et qu'il grandisse avec cette qualité. Parce qu'il, s'il grandit avec la vérité, bi'idnillah, ça va lui ramener tout le reste des bons comportements. Et malheureusement, s'il grandit avec le mensonge, il est en grand danger. Donc, donnons beaucoup d'importance à dire la vérité nous-mêmes. Déjà, commençons par être des exemples et des modèles pour nos enfants. À dire la vérité, comme bien même elle est amère. Le mensonge, il te sauvera jamais, même si tu penses que ça peut être la cause de ta sauver. Et la vérité te sauvera même si elle est amère à dire, même si elle est lourde à dire. Ça sera une cause de ta sauver dans dunya, je ne parle pas dans l'akhira. Dans l'akhira, c'est clair, c'est une certitude pour nous tous. Mais shaitan joue avec nous dans dunya. Si tu dis la vérité, il t'arrivera ça, il t'arrivera ça, il t'arrivera ça. Et c'est des combats, c'est des formes de jihad. C'est pas parce que t'es tombé une fois dans un mensonge que tu dois désespérer, que il y a aucun bien en toi, et tu laisses Shaitan te dominer par cette manière. Non. Recommence. Et demande à Allah l'aide, et fais les efforts, et par Allah tu verras le bien dans ta vie. Et parmi les ruses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé et a ordonné de pratiquer dans une guerre, c'est dans la guerre des, la bataille des coalisés ou des tranchées. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, il a demandé à Nu'aym ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il est entré dans l'islam, il lui a demandé d'aller diviser entre, de créer la dissension et la division entre à la fois les Banu Qurayda et Quraysh, jusqu'à ce qu'il les a divisés, yani de la manière qu'on a déjà vu. Et il a utilisé cette ruse, et cet homme, yani Allah lui a permis, il a utilisé pour créer une grande division entre les coalisés. à lui seul. Et après, Allah Azza wa Jalla a envoyé sur eux d'autres parmi ses soldats. Le vent, le froid. Jusqu'à ce qu'ils se sont dispersés. Également, parmi les particularités de Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, dans le domaine du combat dans le sentier d'Allah, a dit l'imam Ibn Kathir, c'est qu'il avait le droit de prendre ce qu'il choisit du butin avant qu'il ne soit réparti entre les compagnons. Le butin, une fois qu'il est réuni, Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de prendre ce qu'il veut, comme esclave, comme servante, comme arme, avant qu'il ne soit réparti. Avant qu'il ne soit réparti. Et également, il poursuit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, en disant, il avait le droit de prendre le cinquième du butin. Le butin est partagé en cinq. Un cinquième du butin, Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait prendre son cinquième et il le met là où il veut. Il le donne à qui il veut, il le garde pour lui. Et ça, c'est le butin quand il y a un combat. Par contre, le butin dans lequel il n'y a pas eu de combat, Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de prendre les 4/5. Les 4/5, il les donne à qui il veut. Et Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand il lui revenait quelque chose d'un butin, il l'a partagé entre les pauvres et les nécessiteux. Alayhi sallatu wa sallam. Et ça pouvait lui arriver de garder quelque chose pour les membres de sa famille. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est par rapport au combat dans le sentier d'Allah. Dans le domaine des jugements. Les savants ont cité une particularité de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est qu'il avait le droit de juger sans témoin. De juger sans avoir de témoin, de juger uniquement avec sa science et avec ce qu'il connaît, lui, de cette affaire. On sait que ça, de manière générale, c'est pas autorisé pour un juge. Un juge, tu viens, il te juge selon les preuves qui sont présentées. Il donne droit à celui, yani, qui ramène les preuves, qui appuie sa position et qu'il est dans la vérité. S'il y a un différend entre deux personnes, par exemple sur une terre, le juge va donner la terre à celui qui ramène les preuves qu'elle lui appartient. Mais ils ont dit que Nabi Isa sallam, il pouvait juger selon sa science. Pourquoi? Ils ont dit parce que lui, à son sujet, il n'y a pas de tuhma. Il ne risque pas d'être accusé, d'être injuste ou d'avoir penché vers un tel. Non, il pouvait pas être accusé par cela. C'est pour ça qu'il pouvait juger selon ce qu'il connaît lui, même si la personne ne ramène pas de témoins ou de preuves. Et ils ont pris comme dalil sur cette mas'ala l'histoire de Hind bint Utba radiallahu anha. Quand elle est entrée dans l'islam, elle a dit au prophète Isa sallam que avant, elle prenait des biens de son mari Abu Sufyan radiyallahu anhu, comme elle a dit qu'il était difficile pour lui donner ce qu'il lui fallait, elle prenait à son insu de son argent, de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Et elle a dit ça au prophète, alayhi sallam, en sa présence, en la présence de son mari, Abu Sufyan, radiyallahu anhu, quand elle est entrée dans l'islam. Nabi alayhi salam lui a dit, prends de ses biens ce qu'il te suffit, toi ainsi que tes enfants. Et ça c'est rapporté dans les deux authentiques. Il n'a pas demandé à Abu Sufyan, est-ce que c'est vrai que Yani était avare, tu lui donnes pas sa suffisance ainsi qu'à ses enfants. Il lui a pas demandé. Il a jugé avec sa science. Donc, ça c'est une façon de comprendre ce hadith. Il peut y avoir une autre compréhension de dire que ça c'est une fatwa et non pas un jugement. Nabi alayhi salam ici, il a fait une fatwa. La femme dont le mari a les moyens et lui donne pas sa suffisance, son droit, elle peut, bien évidemment son droit, c'est pas elle qui va suivre sa passion et voir que son droit c'est des choses raisonnables. Et on parle de ses besoins et de ses nécessités. On parle pas, elle veut acheter un collier à 3000 euros, là, elle prend de son argent. Non, on parle, elle veut acheter de quoi manger, boire et se vêtir, elle et ses enfants. De manière raisonnable, selon les moyens de son mari. S'il lui donne pas ces choses-là, ça se peut que le mari soit avare. Il donne pas à ses enfants ce qu'il leur faut. Il remplit pas ses devoirs vis-à-vis d'eux. Donc dans ce cas-là, la femme, elle peut prendre ce qui lui suffit. Et ça, on peut dire que c'est une fatwa. Et on sait qu'il y a une différence entre le hukm et le fatwa. Le jugement, le juge, quand il donne un verdict, il doit, tout le monde doit s'y conformer. Alors que le fatwa, non. Le juge, quand il donne un verdict, il vérifie. Alors que le mufti, non, il vérifie pas. Tu lui dis, mon affaire, c'est comme ça, il te dit, le jugement, c'est ça. Il ne vérifie pas la véracité de ce que tu lui présentes. Contrairement au juge, qui doit obligatoirement vérifier. C'est pour ça, on a dit que le juge, il va juger selon les preuves qu'il a entre les mains. Et ils ont dit que Nabi alayhi salam, dans ce domaine, il avait une particularité qu'il jugeait selon sa science et ils se sont basés sur ça et on a vu que ce hadith, il peut être compris différemment et on peut voir qu'il n'y a pas de particularité par rapport à Nabi alayhi salam ici. Que lui aussi, il juge selon les éléments qui lui sont présentés. Alayhi salat wa salam. Et l'imam l'imam Abu Daoud, dans ses sunan, il a fait un chapitre dans les témoignages. Il a rapporté l'histoire de Khuzaym ibn Thabit, radiyallahu anhu. Khuzaym ibn Thabit, il a eu une petite histoire avec Nabi alayhi salatu wa salam. Nabi alayhi salatu wa salam une fois, quand ils étaient de retour, d'un voyage, Nabi Isa Salam a parlé avec un homme et ils se sont mis d'accord sur la vente d'un cheval, que Nabi Isa Salam allait lui acheter son cheval. Ils se sont mis d'accord. Et la vente a été conclue entre Nabi alayhi salam et cet homme. De lui acheter ce cheval. Il ne restait que de lui donner le prix du cheval. Le montant. Mais sinon, la vente a été conclue. Vous savez que la vente est conclue quand tu lui dis, je te vends ce cheval, il te dit, je l'ai acheté. Même si le prix n'est pas payé. Le prix peut être reporté. Du moment que c'est pas des choses dans lesquelles rentre riba. Et le cheval ne fait pas partie de ça. Donc, la vente a été conclue. Après cet homme, ils ont continué à marcher. Et d'autres hommes sont venus le voir. L'homme qui a vendu le cheval au prophète, alayhi salam, sont venus le voir et lui ont proposé de lui acheter son cheval. Ils ont commencé à lui proposer des prix. Ils savaient pas que Nabi alayhi salam avait acheté ce cheval. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, il a dit, il a appelé le prophète, alayhi sallam, il lui a dit, si tu veux acheter ce cheval, sinon je vais le revendre. Nabi alayhi sallam lui a dit, je te l'ai acheté. N'est-ce pas? L'homme a dit non. Par Allah, je te l'ai pas vendu. Nabi alayhi sallam lui a dit, si je te l'ai acheté. Et l'homme a dit, alors ramène un témoin. Khuzaym ibn Thabit radiyallahu anhu, qui n'avait pas assisté à la vente, mais qui était proche et qui assistait à ce dernier discours qui s'est passé entre Nabi alayhi sallam et cet homme. Et il a dit, ô messager d'Allah, moi je témoigne. Il lui a dit, tu témoignes sur quoi? Il lui a dit, je témoigne que tu as dit la vérité et que tu lui as acheté son cheval. Nabi alayhi sallam lui a dit, t'as pas assisté à la vente. Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai cru en ta véracité quand tu nous as dit que tu es le messager d'Allah et que tu reçois la révélation. Alors comment ne pas croire en ta véracité quand tu dis que tu as acheté un cheval? Subhanallah, radiyallahu anhu. Qu'Allah l'agrée et agrée tous les compagnons de notre prophète, alayhi sallam. C'est-à-dire qu'il croit en sa véracité de manière absolue. Du moment qu'il dit une chose, il a dit la vérité. Alayhi sallatu wassalam. Et ça, c'est la position de tout croyant. Et Nabi alayhi sallam, depuis ce jour-là, il a fait du témoignage de Khuzaym ibn Thabit comme le témoignage de deux hommes. Car vous savez que dans une vente, il faut deux témoins. De manière générale, il faut deux témoins. À part quelques points dans la religion où il suffit un seul témoignage. C'est pour ça que Nabi alayhi sallam a fait du témoignage de Khuzaym radiyallahu anhu comme le témoignage de deux hommes. Et c'est resté valable pour lui. Comme récompense pour sa grande position dans cette histoire. Et c'est pour ça les compagnons, radiyallahu anhum, quand ils ont commencé à compiler le Coran en un seul volume, ils n'ont pas trouvé un verset de Sourate Al-Ahzab. Et celui qui s'est chargé de cette mission, comme vous savez, c'est Zayd ibn Thabit. Radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Qui a écouté la dernière révision du prophète alayhi salam avec Jibril alayhi salam. Juste avant de mourir. Dans le dernier ramadan que Nabi alayhi salam a fait. Donc ce verset, ils ne l'ont trouvé que chez Khuzaymah radiyallahu anhu. Et ils l'ont accepté. Car son témoignage était comme le témoignage de deux hommes, radiyallahu anhu. Une autre mas'ala, celui qui manque de respect et qui mésestime le prophète, alayhi sallatou wassalam, ou qui fornique en sa présence, ils ont dit, il devient mécréant. Par rapport à Ifournik en sa présence, s'ils veulent dire, comme a dit Hafid ibn Hajar dans Talkhis al-Habir, il a dit, s'ils veulent dire par il a forniqué en sa présence, c'est-à-dire il le fait devant lui, donc ça, on est d'accord que c'est une forme de mécréance qui fait sortir de l'islam. Parce que c'est, yani, c'est pire que le manque de respect. C'est un manque de respect et une manière de mésestimer la valeur de Nabi alayhi sallam et pire encore. Mais par contre, s'ils veulent dire forniquer en sa présence et pendant son vivant, là, non. Ça fait pas partie de la mécréance, mais c'est un grave péché qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais venir le faire devant lui, Ali, bien évidemment, ça c'est une mas'ala théorique. Et la preuve que forniquer pendant son vivant ne fait pas sortir de l'islam, c'est que, l'histoire de Ma'iz, radiallahu anhu, qui est tombé dans la fornication, et le Ghamidiyya, radiallahu anha, également. Une autre mas'ala, l'imam Ibn Kathir a dit, il est autorisé de se faire appeler par son prénom sans divergence. Et dans le fait de prendre le même surnom que lui, il y a une divergence, trois avis entre les hommes de science. Yani se faire nommer comme lui, c'est-à-dire se faire nommer Muhammad ou appeler son fils Muhammad. Ils ont dit que ça c'est autorisé sans divergence. Mais par contre, se surnommer Abul Qasim, divergence en trois avis. Le premier, il voit que c'est interdit de manière absolue. Et ça, c'est le madhab de l'imam Shafi'i. Car le Nabi alayhi salam a dit dans un hadith rapporté par les deux imams al-Bukhari et Muslim, que le Nabi alayhi salam, selon Jabir, que le Nabi alayhi salam a dit, Tasammaw bismi, wa la taknu bi kunyati, wa la taktanu bi kunyati, Tasammaw bismi, wa la taktanu bi kunyati. Yani, nommez-vous par mon prénom, mais ne vous surnommez pas avec mon surnom. Son prénom c'est Muhammad, son surnom c'est Abul Qasim, alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit, Nabi alayhi salam a autorisé le prénom, mais n'a pas autorisé la kunya, le surnom, donc c'est pas autorisé. Le surnom ici c'est Abu quelque chose. Donc ils ont dit c'est interdit de manière absolue. Un deuxième avis qui est l'avis de l'imam Malik et qui a été choisi par Nawawi rahimahullah parmi Shafi'iyya, c'est l'autorisation de manière absolue. Il est autorisé de prendre le même nom, le même prénom et le même surnom que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'interdiction, elle est spécifique, yani, à le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Après sa mort, c'est autorisé que tu te fasses appeler Muhammad Abul Qasim. Et ils se sont basés sur un hadith authentique également, qui va expliquer le premier qu'on a vu. Pour voir que des fois, dans beaucoup de cas, quand il y a une divergence, les savants ils vont se baser sur le même dalil, mais la compréhension de ce dalil va varier. Donc, l'imam Malik, il a vu que cette interdiction était spécifique au vivant de Nabi Issa salam. Car une fois Nabi Issa salam a appelé, un homme a appelé un autre homme. Un homme a appelé un autre homme. Il lui a dit, Ya Abul Qasim. Le surnom de cet homme était Abul Qasim, comme Nabi Issa salam. Et Nabi alayhi salam s'est tourné vers lui. Il croyait qu'il l'a appelé. Cet homme a dit, je ne t'ai pas appelé. Et depuis, Nabi alayhi salam a interdit de prendre le même surnom que lui. La même kunya que lui. Donc, cette interdiction, parce qu'on peut appeler le Nabi Issa salam, on peut appeler quelqu'un avec la même kunya, et yani, ça causera comme ce qui s'est produit ici. Et ça, c'est un mal. C'est pour ça qu'il fallait l'éviter pendant son vivant. Mais après sa mort, ce mal ne peut pas se produire. C'est pour ça qu'ils ont dit, après sa mort, c'est autorisé de manière absolue. Il y a un troisième avis qui est entre les deux. Ils ont dit, celui dont le prénom n'est pas Muhammad, il peut prendre comme surnom Abul Qasim. Mais il ne doit pas avoir les deux, Muhammad et Abul Qasim. Il peut avoir un des deux, mais pas avoir les deux en même temps. Et ça, c'est le choix d'un grand savant Shafi'i qui s'appelle Ar-Rafi'i. Une autre mas'ala. Il a dit que les enfants de ses filles sont affiliés au prophète alayhi salatu wassalam. Les enfants des filles du prophète alayhi salatu wassalam lui sont affiliés. On sait que les enfants suivent leur père dans la filiation généalogique et dans l'appartenance. Mais ils ont dit que ça, c'est une particularité de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est que les enfants de ses filles lui sont affiliés. Ils se sont basés sur ce que l'imam al-Bukhari a rapporté selon Abu Bakra, radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai vu l'Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, proche de Nabi alayhi salatu wassalam, qui était à côté de son mimbar, et il l'a regardé. Il regardait les gens, il a dit, mon fils, celui-là, en visant l'Hassan, il a dit, c'est un maître avec lequel Allah Azza wa Jal réconciliera entre deux grands groupes parmi les musulmans qui allaient être dans une division et par sa cause, ils seront réconciliés. Effectivement, ça s'est produit. Ça, s'est produit après la mort de Ali radiallahu anhu, celui qui a pris al-khilafa, la gouvernance des musulmans, c'est le Hassan ibn Ali, et qui a cédé son poste à Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu, et ensuite il y a eu la réconciliation entre les musulmans, et cette année s'est fait appeler l'année de l'Jama'a, du groupe. Et ce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, c'est concrétisé. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, mon fils, c'est son fils. Mais ceci ne veut pas dire qu'on doit dire, qu'on peut dire l'Hassan et l'Hussein, les deux fils de Fatima radiallahu anha et de Ali radiallahu anha, qu'on peut dire Hassan ibn Muhammad ou l'Hussein ibn Muhammad. Non. Ça, c'est pas juste. C'est l'Hassan et l'Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Mais ils font partie de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et la descendance de Nabi alayhi salatu wassalam, ils viennent tous de l'Hassan et de l'Hussein. Et parmi les particularités également de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est que chaque lien de parenté et chaque cause de lien, son profit s'arrête avec cette vie mondaine, excepté le lien de parenté avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et les causes de liens, je les avais expliquées précédemment, c'est comme l'affranchissement. Quand tu as franchi quelqu'un, il y a un lien entre toi et lui. Allah Azza wa Jalla dit, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dans le sens approximatif, lorsqu'il sera soufflé dans le corps, plus aucun lien de parenté ne prévaudra entre eux ce jour-là, et nul ne s'enquérera du sort d'un autre, nul ne se souciera du sort de l'autre ce jour-là, excepté le lien avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Comme le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Fatimatu bad'atun minni yughidhuni ma yughidhuha. ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, et une autre narration de ce même hadith se trouve dans les deux authentiques, sans ce rajout qui est à la fin. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith que Fatima est une partie de lui. Il le met en colère ce qui la met en colère. Il le réjouit ce qui la réjouit. Et il a dit, vous savez, entre parenthèses avant de finir, vous savez, parce qu'un frère m'a parlé de ça aujourd'hui, vous savez que Ali radiallahu anhu, il voulait prendre une autre épouse avec Fatima radiallahu anhu, mais elle n'a pas voulu. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith similaire à celui-là. Il me met en colère ce qui la met en colère. Il me réjouit ce qui la réjouit. Et c'est pour ça que Ali radiallahu anhu n'a pas pris de seconde épouse pendant le vivant de Fatima radiallahu anhu. Et après sa mort, il a pris plusieurs épouses et énormément de servantes, radiallahu anhu. Donc un homme qui se contente d'une seule femme, c'est pas un défaut. Et c'est pas un manquement. Surtout s'il voit que c'est le seul moyen de préserver son foyer. Mais après, bien évidemment, prendre plusieurs épouses, c'est un mérite. On va le voir par la suite. Bi'idnillahi ta'ala. Et c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Et la femme, yani l'homme, on lui dit, si tu vois que tu risques de perdre ta femme et tes enfants en prenant une autre épouse et tu sais même pas comment ce deuxième couple sera, alors préserve ton foyer et patiente et tu auras des épouses dans le Jannah. Et pour la femme, on lui dit, ne sois pas un obstacle pour ton mari, pour qu'il prenne une autre épouse si jamais, surtout dans le cas de mari, qui ont besoin de prendre une autre épouse. Ou bien parce que la femme ne peut pas suivre, yani, dans l'intimité, ou l'homme a des envies fortes. Il a besoin de prendre d'autres épouses. Faut pas qu'elle soit un obstacle pour lui, et peut-être que ça sera une tentation pour lui de tomber dans le haram, wal'iyadu billah. Elle doit aider son mari et l'aider à se préserver et rester dans le halal, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fatima est une partie de lui, un morceau de moi. Il me met en colère ce qui la met en colère, il me réjouit ce qui la réjouit. Et ce rajout, c'est ça qui n'est pas rapporté dans les deux authentiques que je vais lire maintenant, qui est uniquement dans le musnad de l'imam Ahmad, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les liens de parenté s'arrêteront le jour du jugement dernier, ne seront d'aucune utilité, ne seront point profitables, excepté le lien de parenté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les causes de lien avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien évidemment, faut bien comprendre cette parole. Ça, c'est pour celui qui a un lien de parenté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou qui est marié à une femme parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle sihr, ou un esclave qui a été affranchi par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est bénéfique et profitable pour lui. Quand il est croyant, il suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il suit sa sunna. Sinon, il a été rapporté dans le hadith authentique, « Man batta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuh. » Celui qui est retardé par ses œuvres ne sera pas avancé avec ses liens de parenté. C'est d'abord les œuvres. Et quand il y a la piété et la foi et le suivi de la sunna et tawhid avant tout ça, c'est là où le lien de parenté est profitable. Et ça, c'est en accord également avec la parole d'Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus digne et le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Donc, quelqu'un qui a uniquement le lien de parenté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas musulman, qui n'a pas de tawhid, qui ne s'attache pas à la sunna, c'est pas ça qui va le sauver du châtiment d'Allah, seul. Mais ça, c'est un mérite quand il se rajoute au mérite de la religion. Et sans le mérite de la religion, rien n'est profitable. Et il a été rapporté que Omar radiallahu anhu, il a été demandé dans un hadith authentique, il a demandé à épouser une fille de Ali ibn Abi Talib. Qui s'appelle Umm Kulthum. Afwan, ça me fait penser à une chose. Dans le cours précédent, il y a un frère qui m'a fait cette remarque, qu'Allah le récompense. Dans le cours précédent, quand j'ai parlé des deux filles de Nabi alayhi salam sallam qui a épousé Uthman, j'ai dit Zaynab et Umm Kulthum. Uthman, comme vous savez, il a épousé Ruqayya et Umm Kulthum. Il a épousé Ruqayya, radiyallahu anha, et Umm Kulthum, radiyallahu anha. Donc Ali, radiyallahu anha, il avait une fille qui était petite encore, qui s'appelle Umm Kulthum. Et Omar lui a demandé de lui marier cette fille. Ali, radiyallahu anha, lui a dit, elle est encore jeune. Et Omar a dit, j'ai voulu l'épouser parce que j'ai entendu que tout lien de parenté s'arrêtera dans cette dunya, excepté les liens de parenté avec le prophète, alayhi salam. Et je voulais avoir un lien de parenté avec lui à travers cette fille qui sera mon épouse. Quelqu'un peut dire, Omar avait déjà un lien de parenté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car sa fille était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa, la mère des croyants. La réponse, ça c'est une forme, et lui il cherchait une autre forme encore, une autre forme de lien de parenté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali a accepté par la suite. Quand il a entendu ça, il a accepté. Il lui a marié sa fille. Radiallahu anhum. Donc là, dans un autre chapitre, l'imam Ibn Kathir a parlé de la force du prophète alayhi salatu wassalam et de son courage. Avant de finir avec les intercessions. Donc la force de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de son courage, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses particularités, en dehors de toute sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était le plus fort parmi eux dans les guerres et le plus courageux parmi yani, toute sa communauté, alayhi sallatu wa sallam. Et il ne fuyait point l'ennemi, même si l'ennemi est d'un très très grand nombre. Et ça, on l'a vu quand on a parlé, par exemple, il y a plusieurs reprises, mais parmi les derniers points dans lesquels on a abordé ce point, c'est quand on a parlé de la bataille de Hunayn. Et on a vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avançait tellement vite vers l'ennemi, vers les Hawazin, au point où son oncle Abbas, il tirait son mulet. Yani pour qu'elle avance pas et qu'elle va pas très vite. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a poussé pour qu'elle avance vite. Et ça, ça montre son courage. Et on a vu Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Que quand les guerres s'intensifient, qu'il venait se protéger derrière Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il était le plus proche des ennemis dans les batailles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sur ça, il n'y a pas besoin de s'attarder beaucoup, son courage et sa bravoure, ou son bravoure, alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il a rapporté une autre mas'ala dans la force de Nabi Isa al-Salam, c'est que ça lui arrivait, et ça c'était occasionnel, comme les savants précisent, par exemple, au retour de voyage ou des choses comme ça. Ça lui arrivait d'avoir des relations intimes avec toutes ses épouses en une seule nuit. Et dans certaines versions, avec un seul rusl, sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes ses épouses. Et Anas radiallahu anhu, ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Je vais vous citer quelques fawaïd qui ont été cités par al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, quand il a expliqué ce hadith qui est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Anas radiallahu anhu, le rapporteur, ils lui ont posé la question, tabi'in, ils lui ont dit, et il pouvait avoir des rapports avec yani, autant de femmes en une seule nuit. Anas radiallahu anhu a dit, on voyait, yani, les compagnons, ils voyaient que Nabi Isa salam avait la force de 30 hommes de sa communauté. Dans une autre version, qu'il avait la force de 40 hommes de sa communauté. Et il avait, yani, dans une version, il avait 11 femmes à ce moment-là. Alors que nous, on sait que deux de ses épouses sont décédées avant, Khadija radiallahu anha et Zaynab bint Khuzayma. Et que Nabi Isa salam, yani si on regarde rapidement les femmes qu'il a épousées, il a épousé Khadija radiallahu anha et Saouda bint Zam'a, Khadija bint Khuwaylid et Saouda bint Zam'a avant l'immigration. Et après, il a épousé Aïcha. Aïcha, ils disent qu'il l'a épousé avant le Hijra, mais il n'a consommé le mariage que après le Hijra. Et Khadija était déjà décédée. Donc là, il a que deux femmes quand il a épousé Aïcha. Après Aïcha, il a épousé Umm Salama et Hafsa et Zaynab bint Khuzayma. Il les a épousées dans l'année 3 et 4 de l'Hégire. Donc jusque-là, il a deux épouses plus 3, ça fait 5 vers l'année 4 de l'Hégire. Et ensuite, il a épousé Zaynab bint Jahsh, sa cousine, dans l'année 5 de l'Hégire. Il en a 6 maintenant. Il a épousé Jouairia dans l'année 6. Il en a 7 maintenant. Il a épousé Safiya et Umm Habiba et Maimouna bintul Harith dans l'année 7 de l'Hégire. Ça, c'est les épouses que Nabi Isa salam a épousées. Donc, ça fait qu'il a jamais eu plus de 9 en une seule fois. C'est pour ça que Nabi Isa salam, il est décédé en ayant 9 épouses. Donc, comment on explique que dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il y a une version où il s'est marqué 11 épouses. Les savants ont dit qu'il y a une autre version dans l'authentique de l'Bukhari où c'est 9. Donc ça, c'est les 9 épouses qu'on connaît. Et quand le rapporteur a dit 11, il a fait inclure dans le nombre ses deux servantes, Maria al-Qibtiya, qui lui a été offerte par al-Muqawqis, et Rayhana al-Quradiya, qu'il a pris comme servante quand il a après la bataille de Bani Qurayza, une femme, c'était une servante juive. Et Nabi Isa salam lui a proposé de l'épouser. Ils disent qu'elle lui a demandé de la garder comme une servante. Donc, ils ont fait inclure dans le nombre les deux servantes qu'avait Nabi Isa salam, Maria et Rayhana. Maria, c'était une chrétienne à la base, et Rayhana, c'était une juive à la base. Mais les deux sont entrés dans l'islam. Il ne les a pas épousées, alayhi salatu wassalam. Donc, avec les deux, ça fait 11. Là, on arrive à comprendre le nombre 11, d'où ça vient. Aussi, il avait la force de 30 hommes, 40 hommes de sa communauté. Ibn Hajar, rahimahullah, quand il a cité ce hadith, il a rapporté une autre version de l'Ismaili, dans laquelle il avait la force de 40 hommes. Et il a rapporté une version également rapportée par Abu Nu'aym dans le Hilya, que Nabi Isa sallam avait la force de 40 hommes parmi les hommes du paradis. C'est pas les hommes de Dunia, les hommes du paradis. On sait que les hommes du paradis, si Allah nous accorde le paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi les hommes du paradis, dans un hadith rapporté par Tirmidhi selon Anas, que le croyant dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la force de tant et tant hommes dans les rapports intimes. Ils ont dit au messager d'Allah, et il pourra, yani, toutes ces relations intimes, il a dit, Allah lui donnera la force de 100 hommes parmi les hommes de dunya. Donc si on fait le compte, comme il a fait Ibn Hajar rahimahullah, lui il a fait le compte. Il a dit, ça veut dire 100 hommes parmi dunya multiplié par 40. Ça fait 4000 hommes. Nabi Isa sallam, il avait la force de 4000 hommes. Et après, il a expliqué tout ça. Yani, bien évidemment, ça, si on dit que, yani, la version dans le Hilya est authentique. Et ça, c'est ce qui a été cité par le Hafidh ibn Hajar. Et ça, c'est pas étonnant. Le nombre n'est pas étonnant pour nous. Parce qu'on sait que les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a donné cette force. Il est rapporté authentiquement de Sulayman, alayhi salam, fils de Daoud, alayhi salam, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'il a dit qu'en une seule nuit, qu'il allait avoir des rapports avec 100 femmes et que chacune d'elles accouchera d'un enfant qui grandira et combattra dans le sentier d'Allah. Et l'ange lui a dit de dire « Inch'Allah », il a oublié de le dire. Et une seule de ces 100 femmes avec lesquelles il a eu des relations pendant une seule nuit a accouché d'une moitié d'un enfant. Nabi Isa sallam a dit, s'il avait dit Inch'Allah, il les aurait eu. Donc, ça c'est, yani, il y a une faïda importante, c'est que la récompense et la rétribution est du même genre que l'acte. Celui qui craint Allah et qui s'écarte de ses interdits et qui baisse son regard, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en lui donnant une force dans ce qu'il lui a autorisé. Car le regard interdit, ça dissipe ton envie. Ça dissipe ton envie. Celui qui regarde les femmes dans les rues, il regarde les femmes d'or qui lui sont pas autorisées. Il touche cette femme qui lui est pas autorisée. Il parle avec cette femme qui lui est pas autorisée. Et yani, ça dissipe son envie sexuelle. Et c'est pour ça, comme j'ai entendu de certains de nos chouyours, il y a certains jeunes, quand ils se marient, presque il a même pas envie d'avoir des relations avec son épouse, alors qu'il est nouvellement marié, fraîchement marié. Pourquoi? Parce qu'il a gaspillé son envie dans ce qui n'est pas autorisé. C'est pour ça, quand il vient à ce qui est autorisé, son envie est faible. Contrairement au prophète, alayhi salatu wassalam, avec la piété et la crainte qu'Allah leur donne, et en baissant le regard de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit, Allah leur donne cette force dans les rapports. Et Nabi Isa wassalam, ainsi que les prophètes, alayhi salatu wassalam, malgré, yani, ils étaient là, les hommes qui ont les envies sexuelles les plus fortes, afwan. Malgré qu'ils étaient préoccupés par les affaires de leur communauté et la transmission du message et la da'wa et le combat dans le sentier d'Allah et l'adoration, Nabi Isa sallam, il prit la nuit jusqu'à ce que ses pieds, yani, saignent, alayhi salatu wassalam. Et la propagation de la science, l'enseignement et la gérance de leur communauté, avec toutes ces choses-là, ils avaient cette force. Et en plus, l'adoration qu'ils avaient, le jeûne, si on voit le Nabi alayhi salam, combien il jeûnait, alayhi salam, et on sait que toutes ces choses affaiblissent le corps. Et malgré ça, il avait cette force qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et ça, c'est parmi les fruits de baisser ton regard de ce qu'Allah t'a interdit. Contrairement à quelqu'un qui laisse son regard et aujourd'hui on est éprouvé avec pire, et je viens d'y penser, avec ces téléphones et ces ordinateurs où tu peux regarder, pire encore, wal'iyadu billah. Donc celui qui craint Allah, Allah lui donne une force dans ce qu'il lui a autorisé. Celui qui délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, il lui donne une force dans ce qu'il lui a autorisé, subhanahu wa ta'ala. L'imam, yani al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, quand il a cité ce hadith de Sulayman alayhi salam, dans lequel il a dit qu'il allait avoir des rapports avec 100 femmes, et dans leur livre, il rapporte qu'il avait 1000 femmes, Sulayman alayhi salam. Mais c'est pas rapporté d'une manière authentique. Mais juste pour vous dire qu'il pouvait avoir encore plus de femmes. Mais c'est rapporté authentiquement qu'il allait avoir des rapports avec 100 femmes en une seule nuit. Hafidh ibn Hajar a commenté en disant, dans ce hadith, la particularité des prophètes, alayhim salat wa salam, est la force dans les rapports intimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et ça, ça indique la force de leur corps, la force physique qu'ils avaient, et la virilité, la grande virilité qu'ils avaient, alayhim salat wa salam, tout en étant occupé par l'adoration et par la science, et c'est arrivé de ces choses-là, yani, ce qui est arrivé à notre prophète, alayhi salatu wassalam, des choses miraculeuses, malgré qu'il était très occupé avec l'adoration d'Allah, avec la science et avec les affaires de sa communauté, et qu'il mangeait peu et qu'il buvait peu, alayhi salatu wassalam, et qu'il jeûnait beaucoup. Et ça, parmi les conséquences de ça, c'est que ça affaiblit le corps. Et ça ne permet pas, ni de multiplier les rapports. Mais malgré ça, ça pouvait lui arriver d'avoir des relations intimes avec toutes ses épouses en une seule nuit, alayhi salatu wassalam, avec un seul rusl. Fin de citation. Ce qu'on retient, c'est que l'importance de baisser son regard de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et de ne regarder que ce qui t'est autorisé. Car ça te permet de réunir tes envies en une seule chose. Contrairement à celui qui dissipe les envies à droite et à gauche. Il a cité une autre particularité qui montre sa force et son courage, c'est qu'il regardait devant lui comme il regardait derrière lui. Ça, à ce point, on l'a abordé et on a vu que c'était spécifique à la salat. Il a cité un autre point, que Nabi alayhi sallam regardait dans le noir. Même quand il fait nuit, sans qu'il y ait de lumière, il voyait alayhi sallam. Et sur ce point, il n'y a pas de hadith authentique. Donc sur cette mas'ala, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Un autre point, c'est que les enfants, les fils de Fatima ont un lien de parenté avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ont un lien de parenté avec le Nabi, alayhi salatu wassalam. À savoir, al-Hassan et al-Hussein. Les deux fils de Fatima, radiyallahu anha, avec Ali, radiyallahu anha. Et il a cité un hadith par rapport à ça, qui n'est pas authentique, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait dit, كل بني آدم فإنهم ينسبون إلى عصبتهم. Tous les fils d'Adam ou les fils de Adam ont un lien de parenté avec les proches de leur père. L'asaba, c'est les proches de ton père. Les liens de parenté, ça passe par l'homme, par le mari. Et il a dit, excepté les fils de Fatima. Ils sont affiliés à moi et je suis leur asaba. Mais ce hadith n'est pas authentique. Il nous suffit dans cette mas'ala pour dire que les liens, que les fils de Fatima ont un lien de parenté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a précédé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon fils, celui-là, en visant al-Hassan, hadith qui a précédé. Après avoir fini de parler de tout ce qui a précédé la biographie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ses particularités par rapport aux autres prophètes, par rapport aux membres de sa communauté, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a fini ce livre avec un passage dans lequel il a parlé des intercessions qui seront données à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il en a cité 6. Et ça, c'est pour montrer le statut, le rang élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète, alayhi salatu wassalam. Vous savez que l'intercession, quand Allah subhanahu wa ta'ala permet à une de ses créatures d'intercéder, c'est pour montrer son rang et son statut à celui qui intercède et pour pardonner et faire miséricorde à celui à qui profitera l'intercession. Chaque intercession, c'est pour montrer le rang de l'intercesseur et faire miséricorde à celui à qui profitera l'intercession. Mais en réalité, toute l'intercession appartient à Allah seul. Mais quand il le permet à une de ses créatures, c'est pour montrer son statut, son rang. C'est pour ça, il y a des intercessions, comme on a vu, qui sont spécifiques à notre prophète, alayhi salam. Et les savants, ils citent, dans ces intercessions qui sont spécifiques au prophète, alayhi salam, ils en citent 4. Mais avant de les aborder, il y a une faïda avec laquelle je voulais commencer dans le domaine de l'intercession, c'est que ceux qui maudissent et qui insultent les gens ne seront pas intercesseurs ni témoins dans le jour du jugement dernier, dans le jour de la résurrection, rapporté par l'imam Muslim, ce hadith. Ceux qui insultent les gens et qui disent du mal d'eux sans raison valable, ceux-là ne seront pas des intercesseurs auprès d'Allah, ni des témoins. Pourquoi? Parce que l'intercession, c'est que tu vas dire du bien. Tu vas demander à Allah de pardonner à ce serviteur. Donc l'intercession, c'est un bien. Et comme dans Dunya, tu faisais du mal aux gens, tu ne seras pas accepté parmi les intercesseurs. Et dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ليس المؤمن بالطعان. Le mu'min, c'est pas celui qui dénigre et qui critique sans raison valable, bien évidemment, tout ça. Ni celui qui insulte et qui maudit les gens. Ni celui qui est grossier. Le croyant, il est loin de ses caractéristiques. Et celui qui a ces choses-là, ça, c'est sans aucun doute une faiblesse dans sa foi. Et il n'a pas une foi complète. Ça, c'est un signe de diminution et de faiblesse de sa foi. Et ça convient à ce chapitre dans lequel on va parler des intercessions et de ceux qui intercèdent. Alors préserve ta langue de dire du mal des gens, sauf dans les cas où c'est autorisé et c'est légiféré, avec les conditions. Et quand tu le fais, fais-le pour Allah, pas pour faire triompher ta personne ou pour rabaisser l'autre. Tu le fais parce que tu dois le faire religieusement et c'est une obligation religieuse. Comme mettre en garde contre un innovateur. Et quand tu mets en garde contre un innovateur, ça t'autorise pas de citer toute sa vie et ses défauts. Tu parles des défauts qui sont concernés et qui vont permettre que les gens s'écartent de lui et le boycotter et de le dénigrer. et fais-le pour Allah. Sincèrement pour Allah. Et il faut faire très très attention, surtout dans ce domaine, qui demande énormément d'efforts pour travailler son intention. Et pourquoi je réfute? Parce qu'on est faible. Et on peut très bien, ça c'est une parole de Cheikh Rabih dans son sens, Hafdallah. On peut très bien défendre une vérité en voulant faire triompher notre personne. C'est pas parce que tu défends une vérité que tu as la sincérité. Ça c'est une autre affaire. D'abord défendre la vérité et fais-le pour Allah. Et on trouve que beaucoup de gens peuvent défendre la vérité parce qu'il y a quelqu'un qu'ils détestent qui est dans l'autre camp. Ou quelqu'un avec lequel il a des problèmes dans l'autre camp. Donc lui, il va se mettre dans le camp dans lequel il y a la vie juste, juste parce qu'il déteste l'autre. Et ça, il n'y a pas de sincérité, bien évidemment. Donc les intercessions, les savants, comme vous savez, ils disent que l'intercession est de deux catégories. Al-shafa'atu qisman, shafa'atun muthbatatun wa shafa'atun manfiyya. Il y a une intercession qui est affirmée et une intercession qui est niée et réfutée et qui ne sera pas acceptée. Celle qui est affirmée et approuvée et qui sera accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'intercesseur, c'est celle qui réunit les conditions. Si on veut le résumer de la manière la plus simple, on dira c'est l'intercession d'un mouahid en faveur d'un autre mouahid avec l'accord d'Allah. Ainsi, on aura englobé les conditions de shafa'a. Il ne pourra intercéder qu'un mouahid. Et il ne pourra intercéder qu'en faveur d'un mouahid. Il faut obligatoirement la permission d'Allah. Sinon, personne ne pourra intercéder, même pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Et on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient et se prosterne devant le trône d'Allah. Il reste tellement longtemps, il loue Allah d'une manière qu'il ne connaît pas dans le dunya jusqu'à ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui autorise à lever sa tête et à commencer son intercession, alayhi salatu wa sallam. Et dans les intercessions qui seront accordées et approuvées et affirmées, il y en a également deux catégories. Il y en a qui sont spécifiques à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y en a qui sont pour le Nabi, alayhi salatu wassalam, et pour les autres prophètes, et pour les anges et les croyants également. Mais le Nabi, alayhi salatu wassalam, même dans les shafa'a, dans les intercessions, qui sont pour lui et pour d'autres, parmi les créatures d'Allah, lui, dans ses shafa'a, il a la part la plus importante. En plus de ses intercessions qui sont spécifiques à lui. Les intercessions qui sont spécifiques au prophète, les savants citent quatre. La première, c'est la première avec laquelle a commencé l'imam Ibn Kathir. Al-shafa'atul udhma. La grande intercession. La plus importante de toutes les intercessions dans laquelle sera montré à toutes les créatures le grand rang et le statut élevé de notre prophète alayhi salatu wassalam quand il intercédera pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence à juger entre les créatures, les fasl al-qada. La deuxième qui est spécifique à lui, c'est pour que les gens rentrent au paradis. Il intercédera auprès d'Allah pour l'entrée des gens au paradis et il sera le premier à entrer au paradis alayhi salatu wassalam. Il y a des savants qui citent ces deux intercessions comme une seule, ils l'appellent Maqam al-Mahmoud. Il y a des savants qui disent Maqam al-Mahmoud, c'est uniquement la première, et la deuxième, c'est notre shafa'a. Donc les deux, de toute manière, les deux intercessions sont spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam. Une troisième, c'est son intercession en faveur de son oncle Abu Talib. C'est la seule de ce genre qui aura lieu. Il intercédera en faveur d'un associateur d'un polythéiste mécréant, mais pas pour le faire sortir de l'enfer, car aucun mécréant ne sortira de l'enfer. Il restera éternellement en enfer. Mais c'est une intercession pour alléger son châtiment. Et c'est la seule de ce genre-là. Ça également, elle est spécifique au prophète. La quatrième et la dernière, c'est l'intercession du prophète pour faire rentrer des gens au paradis sans jugement ni châtiment. Et les savants citent Hadith Ukash ibn Muhsin radiyallahu anhu. Quand Nabi Isa sallam a cité les 70 000 qui iront au paradis sans jugement ni châtiment, il a dit au messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois parmi eux. Il a dit, t'es parmi eux. Donc ils ont pris ça comme dalil de cette intercession qui est également spécifique au prophète Isa sallam. L'imam ibn Kathir a cité les deux premières. Il n'a pas cité la troisième et la quatrième. D'un autre côté, il y a des shafa'a, comme j'ai dit, qui sont communes à lui, ainsi que autres prophètes, que les anges, et également les croyants, les amis, et les gens intercéderont auprès d'Allah en faveur des croyants parmi leurs amis, les membres de leur famille. C'est pour ça l'importance d'être amis avec les gens pieux. Et d'être proche d'eux, et d'être lié d'amitié avec eux. Peut-être que Allah Azza wa Jalla te sauvera, il nous sauvera avec l'amitié qu'on a avec eux. Donc il y a des shafa'a qui sont communes, et qui ne sont pas spécifiques au prophète alayhi salatu wa salam. L'imam ibn Kathir a cité quatre de ces shafa'a. La première, c'est faire sortir les gens des grands péchés du feu de l'enfer pour aller au paradis. Donc c'est des gens qui sont allés en enfer et qui ont été châtiés en enfer parmi les mouahidin, parmi les monothéistes. Nabi Isa salam intercédera en leur faveur et avec cette intercession, Allah Azza wa Jal les fera sortir de l'enfer pour aller au paradis. La deuxième, c'est une intercession en faveur de mouahidin qui ont mérité l'enfer. Ils ont fait des actes avec lesquels ils ont mérité l'enfer. Mais le Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam intercédera en leur faveur et ils n'iront pas du tout en enfer. Et ils iront directement au paradis. Ils iront directement au paradis. L'imam Ibn Kathir a cité cette deuxième shafa'a. La première que j'ai citée dans le shafa' al-amma, bien évidemment, il y a consensus des savants sur cette shafa'. Sortir les gens des grands péchés de l'enfer pour aller au paradis, il n'y a que le khawarij et le mu'tazila et ceux qui les ont suivis qui n'acceptent pas cette shafa'. Et c'est pour ça, les savants disent, celui qui n'accepte pas cette shafa' et qui la renie, et qui renie ce bienfait d'Allah, il est parmi les plus à même à ce qu'il ne bénéficie pas de cette intercession. Wal'iyadu billah. Comme celui qui ne croit pas qu'on verra Allah dans l'akhirah, dans l'au-delà. Réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Ça peut être une cause d'être privé de ce bienfait. Car il ne croit même pas en ce bienfait. Que dire de le demander, d'invoquer Allah, de lui accorder ce bienfait? Qui est de voir Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est la plus grande ni'ma au paradis? Lui, il n'y croit pas. Donc, il va pas demander ça. Il ne va pas le souhaiter et le vouloir. Il est bien à même d'être privé de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous prive pas de cette ni'ma. Et nous comble de ce bienfait qui est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire sortir les gens, intercéder en faveur de celui qui a mérité l'enfer pour qu'il n'aille pas en enfer, ça c'est une shafa'a. L'imam Ibn Kathir a cité deux dalils, mais les deux sont faibles. Les savants aussi, d'autres dalils par rapport à cette catégorie, parmi les dalils, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, selon Abdullah ibn Abbas, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire, il n'y a pas un homme qui décède et que par la suite, il prie sur lui, ni sur sa janaza, la prière sur le mort, 40 hommes qui n'associaient rien à Allah, sans qu'Allah ne leur permet d'intercéder en sa faveur. Donc ça, c'est un dalil. Ça peut être un dalil pour cette intercession. Un autre dalil que les savants citent par rapport à cette intercession, c'est que les prophètes, ni dans, je vous cite ni le hadith, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Nabi Issa sallam a dit que le pont sera dressé sur le feu de l'enfer et que les gens vont commencer à traverser le pont. Il y en a qui traversent, il y en a qui tombent. Et quand ceux qui tombent, wal'iyadu billah, ils tombent dans le fossé de l'enfer, dans le feu de l'enfer. C'est un fossé. Hufra. Si tu jettes une pierre du haut de l'enfer, elle met 70 ans pour arriver au fond de l'enfer. Et sur l'enfer est dressé ce pont, Sirat. Et l'enfer a des crochets. Il prend les gens de Sirat. Sauf ceux qu'Allah sauvera ce jour-là. Et ce jour-là, c'est le prophète, alayhi salam, c'est le premier qui va traverser le pont. Et les prophètes, ce jour-là, leur invocation sera Allahumma sallim sallim. Donc ça peut être ou Allah, sauve, sauve. Ça peut être une intercession. Et ni ça peut être un dalil de l'intercession pour sauver des gens qui sont voués à l'enfer pour ne pas aller en enfer. Ça, c'est la deuxième catégorie de shafa'a qui est pour le prophète alayhi sallam et pour d'autres avec lui. La troisième, c'est pour élever les degrés de certains croyants dans le paradis. Des croyants qui ont mérité avec leurs actes un certain degré dans le paradis. Nabi Issa Salam intercédera en leur faveur pour qu'Allah leur accorde des degrés plus élevés que ce qu'ils ont mérité. Et sur ça, il y a beaucoup de hadiths authentiques. La dernière que l'imam Ibn Kathir a citée, c'est l'intercession en faveur de gens dont les bonnes actions sont égales aux mauvaises actions. Donc leurs bonnes actions sont égales à leurs mauvaises actions. Ils ne méritent pas le paradis ni l'enfer. Ils vont rester bloqués jusqu'à ce que le Nabi Issa sallam intercédera en leur faveur pour qu'Allah leur accorde le paradis. Et ça, selon un avis, ce sont les gens de l'A'raf. Les gens de l'A'raf dont les bonnes actions sont égales aux mauvaises actions. Voilà, on arrive à la fin de ce livre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous pardonner nos péchés et de nous faire mourir sur la sunna authentique et le tawhid pur et de nous faciliter de mettre en pratique ce que nous avons appris dans ce livre précieux de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, et de nous aider à réformer notre apparence et notre intérieur, subhanahu wa ta'ala, et de faire miséricorde à nos parents et à tous nos savants, sans exception les savants de Al-Sunnah wal-Jama'a, et à tous les croyants et les croyantes, et les muslimines et les muslimates. Voilà pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, je vais vous consulter par rapport au livre qu'on fera ensuite. Manhaj al-Salikin de l'Allama Abdurrahman Sa'di ou l'Aqid al-Wasitiya avec un commentaire simple tel que le commentaire de Cheikh Faisal al-Mubarak rahimahullah ou quelque chose de ce genre pour voir ce qui peut être le plus profitable pour nous tous. Et nous continuons dans cette voie d'apprentissage bidnillah jusqu'à compléter un programme qui devrait suffire bidnillah à celui qui est nouveau dans l'islam pour acquérir les bases de sa religion et se lancer d'une manière exclusive dans l'apprentissage de la langue arabe pour celui qui ne peut pas le faire en parallèle. Après avoir acquis ses bases, se lancer dans l'apprentissage exclusif de la langue arabe pour arriver à la demande de science proprement dite, qui est demander la science dans la langue de la science, qui est la langue arabe, auprès des hommes de science qui sont nos savants. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.